Vous savez que je suis un grand fan de Jeff Fillion. Les gens qui me suivent, c'est pas une surprise pour personne, mais Jeff a un podcast qui s'appelle Jeff Liberté. Et cette semaine, il recevait Mitch Giguère, qui est un entraîneur québécois qui a coaché dans la KHL comme spécialiste de vidéo également. Il était sur la glace également. Et j'ai décidé de le rejoindre pour parler un peu et faire connaître à nos auditeurs un peu qui est Mitch Giguère, qui a été au Saguenay, qui a resté au Saguenay quelques temps. Salut Mitch! Salut. Mitch, d'abord, pour les gens, j'aimerais ça que tu te présentes aussi. Donc, tu as été même entraîneur ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est Oui, bizarre. ben, c'est Ouais. ça. Je suis Mitch, je suis entraîneur de carrière depuis une quinzaine d'années. Il y a environ, là, quoi, 6-8 ans environ, on a déménagé au Saguenay après mon année Midget 3 là, comme entraîneur adjoint. J'ai été entraîneur-chef là, au niveau Midget Espoir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, Ah oui. j'ai tombé en chef la première année que, dans le temps, tu sais, à un point tel, tu sais, je viens de revenir au Québec, là, que le 3, tu sais, il y avait le 3, puis le 2A, puis tu sais, que Ouais. Hockey Québec avait refait leur réforme. Donc, j'ai été la première année là, du Midget Espoir là, suite à tout ça. Fait qu'on avait le Bantam 2A du Saguenay et le Bantam 2A du Lac. On n'avait pas de 3 à ce moment-là. Donc, OK. j'ai été entraîneur-chef 3 ans là. On a donné naissance, là, ben, pas moi, là, ma conjointe, elle a donné naissance à notre troisième fille là, au Saguenay, à Chicoutimi pour être précis. Puis, ma conjointe, elle a tombé enceinte de notre quatrième enfant, notre petit garçon. Mais rendu à ce moment-là, j'avais déjà accepté un contrat pour aller dans l'Ouest au niveau junior A. Donc, on a donné naissance là, à Coinsville. Puis, 7 jours après, on est parti dans l'Ouest avec notre motorisé. Est-ce que ton CV est quand même impressionnant? J'ai eu la chance de pouvoir coacher à tous les niveaux. Comme j'aime répéter, j'ai fait mes classes là, en bas, comme n'importe quel Ouais. joueur. Puis j'ai monté les échelons, entraîneur adjoint, entraîneur-chef. J'ai travaillé au niveau novice comme entraîneur maître. J'ai travaillé Pee-wee, j'ai travaillé Bantam, Midget. J'ai été recruteur au niveau junior majeur. J'ai travaillé dans junior dans l'Ouest, autant junior A que dans la WHL. J'ai travaillé au niveau universitaire, Youth Sports. Puis là, depuis 2 ans, j'ai la chance d'être dans la KHL à faire une multitude de jobs, dans le sens, tu sais, mon titre principal est entraîneur vidéo, mais je vais t'avouer que je fais pratiquement Ouais. pas de vidéo. J'embarque sur la glace, je suis derrière le banc quand ils ont besoin pendant les matchs. Soit que je suis derrière le banc, soit que j'analyse durant dans les estrades. Je travaille avec les joueurs sur la glace individuelle ou en sous-groupe. J'aide mon directeur général pour le recrutement, les signatures des agents libres, les échanges. Tu sais, c'est moins long de dire ce que je fais pas dans l'organisation que ce que je fais là-bas, là. OK. Qu'est-ce qui pousse Mitch Giguère à partir d'entraîneur Espoir s'impliquer au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis il l'emmène dans la KHL. C'est toute une marche. Donc, Ben, ouais. moi, j'ai toujours, tu sais, comme n'importe quel joueur de hockey, j'ai toujours rêvé à la Ligue nationale comme Ouais. entraîneur. Il y a une différence entre l'atteindre puis juste en rêver. Je le rêve. Est-ce que je vais l'atteindre un jour? C'est mon but. Si je l'atteins, je l'atteins. Je ne l'atteins pas, je vais travailler en fonction d'eux. Puis, après ma deuxième année au Saguenay, je commençais à regarder les opportunités pour aller dans l'Ouest. Ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours parlé. J'ai eu des entrevues après la deuxième année au Saguenay. C'était juste pas le bon fit pour m'en aller tout de suite. Puis, OK. après la troisième année, là, j'ai eu énormément d'offres. Puis, on est parti. Mais tu sais, tout ça sans se dire que 2 ans après quitter le Saguenay, je m'en irais entraîneur en Russie. Puis en plus, en Russie, c'est pas. On est en Amérique du Nord, c'est pas quelque Ouais. chose qu'on pense nécessairement. Puis de fil en aiguille, tu sais, mon nom s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, mes vidéos. Je travaille pour plusieurs sites Internet à faire des analyses de matchs, d'équipes, de systèmes. Puis à un moment donné, j'ai reçu un appel. Je parlais avec un gars russe. J'ai reçu un appel, puis il est devenu directeur général pour l'équipe de Torpedo à Nijni Novgorod. Il m'a demandé si je voulais appliquer pour la position d'entraîneur vidéo. J'ai accepté, puis par la suite, je suis OK. parti là-bas. Donc, l'équipe, la KHL, on entend toutes sortes d'affaires. On entend parler que c'est la Ligue nationale. Il y a des équipes, il y a des arénas de la Ligue nationale. Il y en a d'autres que ça fait pic-pic un peu. Oui. Est-ce que ça s'est amélioré beaucoup? Tu sais, il faut comprendre. Tu as des gros marchés avec beaucoup d'argent, puis tu as des petits marchés, petits budgets. Ouais. Comme dans la Ligue nationale, Buffalo Comme et les dans la Rangers. Ligue nationale, Ouais. Puis la KHL, c'est, tant qu'à moi, c'est juste plus flagrant. Donc, si tu regardes les équipes en tête, c'est eux qui ont les grosses arénas, puis c'est eux qui ont l'argent. L'équipe si de Bob regarde, Hartley, genre. Exemple, l'équipe de Bob Hartley, l'équipe de Moscou, Saint-Pétersbourg, ouais. Le SKA, tu sais, ils ont les grosses arénas, puis ils sont en haut. Si tu prends nous, on est à petit budget, on a un aréna quasiment de style amateur. On en a une nouvelle aréna qui arrive dans 2 ou 3 ans, mais tu sais, on voit la différence, là, puis c'est flagrant au classement. Nous, puis c'est ce que j'ai aimé là-bas aussi avec notre entraîneur-chef, Dave. On est dans les 5 plus petites masses salariales de la Ligue. Sauf que en termes de rapport, rendement, puis classement, le classement, ouais. On est dans les, avec notre budget, on est dans les 5 meilleures équipes de la Ligue. Ça veut dire qu'on en fait énormément pour le petit budget qu'on a, puis la Ligue le reconnaît. Donc, c'est pas. Mais il y a un partage des revenus. Est-ce qu'il y a un plafond salarial? Il y a un plafond salarial depuis 2 ans qui est à 900 millions de roubles, ce qui équivaut présentement, ça équivaut à 2 $ canadiens, là, tellement qu'il est rendu bas. Mais normalement, ça équivaut 2 $ à... canadiens? Non, mais c'est juste le rouble, il est tellement en chute. OK, OK. Tu sais, le taux de conversion présentement du rouble en canadien, tu perds plus que 60 %. Monsieur, OK, oui, c'est sûr. Ouais, ah, donc, exemple... Ce qui se passe actuellement... Exact. Donc, je prends exemple, moi, si je transfère un chiffron 10 000... Ben, normalement, je transférerais 10 000. Là, je vais transférer seulement 4 000. Je vais recevoir juste 4 000. Fait que je perds 6 000. Ah ouais, c'est sûr, on a entendu. Donc, exact. Donc, il y a un plafond salarial, comme je disais, qui est de 900 millions de roubles, ce qui équivaut normalement entre 14 et 16 millions canadiens ou US. Sauf que, tu sais, il y a toujours des à côté. Tu sais, les bonus ne comptent pas là-dedans, les appartements, les autos, les ainsi de suite. Le partage de revenus, pas vraiment, pas dans la KHL. OK. Si on parlait un peu du calibre, moi, j'ai pensé, moi, que c'est entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Est-ce que je me trompe? Tu es directement dessus. C'est vraiment là. La différence, c'est que la Ligue américaine, c'est vraiment la Ligue qui prépare les joueurs pour la Ligue nationale. Donc, si tu veux aller dans la Ligue nationale entre 20 et 25 ans, passe par la Ligue américaine parce que tu es dans l'organisation, tu es avec les entraîneurs, ils se parlent au quotidien et tout. Si tu t'en vas en Russie, tu te fais un petit peu oublier. Même si le calibre est meilleur, le style de jeu est différent, tu te fais oublier dans la KHL. Donc, tu es mieux de rester là. Mais ça reste que le niveau de skills, le niveau, tu sais, tout le niveau, ça reste la deuxième meilleure ligue là, au monde. Comment tu vois l'avenir de la KHL avec tout ce qui se passe? Moi, je vais te dire une affaire. Moi, je pense que tu es peut-être trop jeune un peu. Moi, je me rappelle du rideau de fer de la guerre froide. Alors, il y avait les Makarov, il y avait les Fetisov, Tretiak et ainsi de suite qui ont resté en Russie. Si la situation ne s'améliore pas, là, je ne suis pas sûr moi, que Mishkov va être repêché en deuxième l'an prochain. Je ne suis pas sûr que Yupov qui est classé 8e là, dans le mock draft là, pour cette année. Oui, il est classé assez haut. Là. Qui va être repêché également. Eux sont en KHL. Comment tu vois ça? Moi, je pense que c'est très. On va checker, ne retournera pas dans la KHL. Là, je pense que je serais très surpris. Là. Par contre, les prochains, on pourrait revoir un semblant de rideau de fer, un peu comme on a connu. Je pense qu'il faut séparer les. Il faut séparer en deux. Si on va commencer juste parler de l'avenir de la KHL. Ouais. Pour être honnête avec vous, je crois que l'avenir de la KHL, elle est là, peu importe ce qui va arriver. Dans le pire des cas, les deux choses que je vois arriver, c'est que les équipes à l'extérieur de la Russie ne seront plus là. Tu sais, on a vu la Lettonie qui s'est retirée pour de bon. On a vu l'équipe de la Finlande qui s'est retirée seulement pour les séries. Qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Donc, tu sais, je pense qu'à l'intérieur de la Russie, la KHL est là pour rester, pour survivre sans problème. La deuxième chose, ils vont peut-être, ça c'est seulement des rumeurs, mais je pourrais peut-être voir qu'ils interdisent les joueurs les importer dans leur ligue. Un genre de Daniel Carr, David Audette qui joue exactement. Comme nous, on avait Kenny Agostino qui joue pour le Canadien un peu. C'est ce que je pourrais peut-être voir, vu que tout le monde, avec raison, là, tout le monde se met contre eux. Ils n'ont plus le droit de participer. Donc, c'est ce que je pourrais voir, mais ils ont assez de Russes pour continuer la ligue. La deuxième réalité aussi, c'est que les joueurs de la Russie qui sont en KHL, ceux qui veulent faire le saut dans la Ligue nationale de hockey, habituellement, ils sont plus vieux. Donc, ils ont déjà fait leur... Ils ont déjà participé à la Ligue américaine ou la Ligue nationale. Ça a plus ou moins fonctionné. Reviennent dans la KHL. Si on prend, par exemple, les jeunes, c'est là que c'est sûr que les équipes de la Ligue nationale vont avoir des petites réticences dans le sens, OK, vas-tu vouloir venir? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? T'sais, on prend Mishkov. Lui, tant qu'à moi, il y a deux strikes contre lui. La première, c'est qu'il est signé jusqu'en 23, 24 ou 24, 25. Donc, déjà là, tu sais qu'il ne peut pas venir avant 3-4 ans. Est-ce que ça te tente? Et lui, il va te promettre repêché en 4e, 5e ronde, quelque chose de même. Est-ce que quelqu'un va quand même prendre une chance? Puis, par la suite, vu qu'il est en Russie, et avec tout ce qui se passe, ça se peut qu'il glisse et que personne ne veut le prendre de chance, même si il y a un talent énorme. Donc oui, je ne pense pas qu'il y aura un rideau, mais je crois que les joueurs risquent d'être pénalisés ou être pris sur le tard à cause des questionnements qu'ils ont à propos d'eux. Et moi, le premier, je serais le même. Déjà qu'il y a des questionnements avant, là, avec tout ce qui se passe, c'est sûr que ça, c'est un couteau à deux tranchants, mettons. OK. Si on parlait de l'avenir de la KHL aussi, on a entendu dire que c'est le pétrole qui finançait beaucoup, le pétrole russe qui finançait beaucoup la KHL. Est-ce que c'est vrai? Si le pétrole baisse puis en Russie, l'exportation et ainsi de suite, comment la KHL est-il aussi capable de survivre? Oui, le pétrole, le gaz, il est pour beaucoup pour les grosses équipes. Okay. Évidemment, si on prend l'équipe, le Aka Bars, le Kazan, eux autres, c'est, je pense, la troisième ville la plus riche là-bas à cause du pétrole, du gaz et tout. S'il y a moins d'équipes, moins besoin d'argent, plus de bons joueurs, calibre meilleur, même sans les imports. Le calibre ne sera pas meilleur sans les imports, exemple, s'ils ne viennent pas. C'est sûr que si le gaz descend et qu'il n'y a plus d'exportation, c'est sûr que ça va faire mal à la Ligue. Sauf que c'est les grosses compagnies, c'est les grosses équipes, c'est les grosses villes qui possèdent les équipes. Donc, ils vont trouver un autre moyen. Comme je dis, moi, je ne suis pas inquiet de l'avenir de la KHL. Est-ce qu'il va y avoir moins d'équipes? Peut-être. Est-ce que les salaires vont baisser? Ils vont trouver d'autres moyens pour trouver. Mais je ne la vois pas, je la vois pas descendre. Puis, tu sais, la Russie, elle est un peu indépendante par elle-même, tu sais, en tant que pays. Ils aiment leurs propres choses, ils aiment avoir leur, tu sais, être pas le nombril du monde, mais tu sais, faire leurs propres choses. Donc, c'est le même principe pour la KHL. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour l'instant. L'avenir le dira. On va voir comment tout va débloquer. Là, mais... Avant de parler de toi, il reste une affaire. Moi, je trouve ça très ordinaire ce qui se passe avec le batchage russe, avec tout ce qui est russe, là. T'sais, moi, je suis un peu comme Jeff, je suis dans la même mentalité que Jeff Fillon. Faut démêler le régime politique russe et le peuple russe. Okay? Oui. Moi, là, j'ai rien à voir avec François Legault, j'ai rien à voir avec ce que Justin Trudeau fait. Pourtant, les gens, le peuple russe vit ça partout à travers le monde. Toi, moi, je trouve ça très ordinaire. Arthur Beterbiev, je crois que c'est un amateur de boxe, c'est vu suspendre sa show, il y a plein d'affaires de main. Je trouve ça très ordinaire, ça n'a aucun sens. Trop c'est comme passé, c'est même extrémiste. Toi, comment tu trouves ça? Bien, c'est le même principe. Tu sais, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui se passe, c'est tel que tel. Sauf que, tu sais, là, t'as les McDonald's. Tu sais, je suis content d'être revenu, là. Les McDonald's ont fermé là-bas. Ouais. J'aurais pas pu manger. Mais tu sais, les McDonald's ont fermé. Tu sais, Coca-Cola, Sony, les jeux vidéo, tu sais, tout ferme. OK. Mais est-ce que c'est vraiment Poutine et sa direction qui ça leur dérange que Sony ne vend plus de jeux vidéo là-bas? Ou c'est les gens en dessous? Bien, c'est les gens en dessous. Puis encore là, comme tu as très bien mentionné, on a beau voter pour Legault, Trudeau ou pas, si tu as voté pour Poutine, tu as peut-être voté pour lui selon qu'est-ce qu'il disait, mais tu étais peut-être contre la guerre aussi ou ce qui est en train de se passer. Donc, c'est plate parce que c'est les gens là-bas, monsieur, madame, tout le monde qui en paye le prix. Puis tu sais, comme tu as entendu sur le podcast, je suis le premier qui en paye le prix. Moi, là, dans le fond, là, on en parler, pourquoi tu es revenu? Ben, moi, je suis revenu parce que tout était terminé. Donc, notre saison était terminée. Malheureusement, il restait 10 ou 11 matchs à faire. Okay. On était à 3 points des séries éliminatoires. Pas fait les séries. Notre directeur général a décidé de jouer un match hors concours le 26 ou 27 février. L'équipe de la Finlande s'est sortie. Donc, il y avait une chance que nous, vu qu'on était 9e, on rentre dans les séries toutes. Donc, nous, là, tu sais, avant que tout part, mon billet d'avion était déjà réservé. La saison était finie, pas de séries. On revient à la maison. Heureusement, on est parti à temps. Sauf que, comme j'ai mentionné dans le podcast, moi, j'en paye le prix avec ce qui se passe et que tout le monde bloque. Tu n'es pas payé parce que justement, il faut que les gens, tu l'expliques dans Jeff Liberté, tu l'as expliqué, je veux que tu l'expliques. Actuellement, tu n'as pas eu ta somme. Puis je pense que c'est en septembre que tu vas être seulement payé pour ce que tu as fait. Ben exactement. Moi, je continue à être payé. Les contrats, la façon que ça fonctionne là-bas, c'est sur 10 mois. Okay? Donc, il me reste encore plus que 2 mois à être payé, plus que 50% de mon salaire, plus les bonus. Comme entraîneur, on a des bonus. Je vais être payé, j'ai reçu ma paye cette semaine, tout est correct. Sauf que là, ils ont signé un décret pour protéger les finances là-bas et tout. Du 9 mars au 9 septembre, si tu n'es pas résident de la Russie, tu ne peux pas transférer de l'argent d'un compte de banque de la Russie à ailleurs. Donc, moi, à partir du 9, qui était là 2-3 jours, je ne peux pas retirer mon argent jusqu'au 9 septembre. Donc, je n'ai pas de revenus jusqu'au 9 septembre. Heureusement, tu dois au chômage. Tu dois au chômage canadien. C'est vrai, t'as pas payé de. Là, il faut que je fasse les impôts. Tu sais, quand on travaille à l'extérieur, on a deux choix. On peut le déclarer ou pas. Si on le déclare, on repaye des taxes. Je vais voir avec mon comptable qu'est-ce qui est le mieux. Sauf que, tu sais, heureusement, j'ai retiré tout mon argent que j'avais jusqu'à présent. Sauf que, il me reste quand même 50% de salaire à recevoir, plus les bonus, que là, je ne peux pas toucher jusqu'au 9 septembre. Donc là, les plans cet été avec ma conjointe et tout, tu sais, comme entraîneur, on travaille 10 mois à l'extérieur, on prend 2 mois à la maison avec les enfants et tout. Là, je regarde pour... Tu étais payé en dollars américains? Moi, je suis payé en rouble en plus, fait que c'est pire. Ah, c'est pire parce que tu perds beaucoup d'argent. Hein, tu perds déjà beaucoup, 40%, facilement 50%, j'imagine, facilement actuellement. Ah, mais là, actuellement, ce matin, là, tu sais, normalement, quand je fais le transfert en US, c'est à peu près à 68-69 qu'on fait le transfert. Présentement, il est à 149,86. Fait que ça ne vaut même pas la peine de le retirer. Non, c'est sûr. Donc, c'est une perte. Puis ça ira pas en montant, parce que je suis pas sûr que la guerre, les sanctions vont durer longtemps, je pense. Puis si on veut, là, ce qu'on dit, c'est de faire baisser. Ce qu'on veut faire, c'est d'interdire la vente de pétrole. Donc, ça va faire baisser le rouble automatiquement. Puis là, les cartes Visa et Mastercard cessent leur fonction. Moi, mon compte de banque est avec Visa et Mastercard. Okay. Donc, ça, c'est une autre problématique. Est-ce que tu veux retourner? C'est quoi là, que tu veux faire là, dans les prochaines? Est-ce que tu veux retourner à KHL? Est-ce que tu veux diriger? Parce qu'il y a des belles ligues. Tu as quand même un beau background. La Finlande, la Suède. La Suède, une belle ligue. Ouais. L'Allemagne a une belle ligue. L'Allemagne est en plein développement. Si l'Allemagne se développe bien, c'est parce qu'il y a plein de Québécois qui sont là et les gens ne savent pas. Est-ce que ça, c'est une possibilité? Je suis ouvert à tout, autant à la Ligue américaine, autant que la Ligue de la Suisse, l'Allemagne, Finlande. J'ai une offre encore sur la table pour retourner à la même équipe l'année prochaine. Mon entraîneur-chef a décidé de ne pas y retourner. Il va se trouver un autre emploi dans la KHL, donc je pourrais le suivre. À l'heure qu'on se parle, on est au mois de mars. C'est la première fois de ma vie qu'au mois de mars, je n'ai plus d'hockey parce que tout a fini plus tôt. Ouais. Je suis comme un peu, pas perdu, mais OK, on est au mois de mars. Puis évidemment, il n'y a aucune ligue dans le monde qui engage présentement parce qu'on est au mois de mars, les saisons ne sont pas terminées. Donc, pour moi, je suis complètement ouvert. J'ai adoré l'expérience KHL. C'est sûr qu'il y a eu des bad luck ou autre. Mais tu sais, si une équipe de la Suisse, de l'Allemagne, Finlande, Suède ou Ligue américaine me donne un coup de fil, c'est sûr que je suis complètement ouvert. Puis, moi, ça a toujours été une question de le meilleur fit pour moi et ma famille. Okay. Ça a toujours été important. Mais tu sais, c'est sûr que je suis aucunement fermé là, à aucune ligue. Tu parles à Bob Hartley souvent, hein, tu disais. Oui, je parle à Bob Hartley, là, on se parle une fois par semaine, une fois ou deux semaines, sinon je parle beaucoup avec eux, ils ont un team consultant, là, un conseiller d'équipe qui est Gene, on se parle pratiquement aux 2 jours présentement parce que je ne veux pas, Bob est en série, je ne veux pas trop le déranger, mais on se tient au courant, lui me tient au courant des nouvelles qui sont là-bas, je le tiens au courant de ce qu'on entend ici, on essaie de se garder. Lui, j'espère qu'il n'est pas batché quoi. Il n'y a pas du bashing Bob Hartley parce que c'est un occidental comme nous, on bash les Russes. J'espère que lui n'entend pas. Non. C'est assez spécial. Je pense que Bob se fait plus bashé ici au Québec parce qu'il ne veut pas revenir que là-bas. Puis encore une fois, Bob, là-bas, il fait sa job de coach. Puis il n'appuie pas personne. Puis tu sais, les gens, des fois, ne comprennent pas que quand on est coach de hockey et qu'on est à l'extérieur de la maison ou du pays, de la province, on pense à rien d'autre. Puis, on suit, exemple, en Russie, on ne suit pas tant les nouvelles, c'est en russe. On comprend un peu le russe, là, mais c'est pas on écoute les nouvelles, ah, OK, il se passe. Puis surtout en séries éliminatoires, là, connaissant Bob et connaissant tous les entraîneurs de haut niveau, là, on pense ah, OK, 24 heures sur 24, on vient de finir le match, on l'a gagné ou perdu, OK, il faut trouver qu'est-ce qui va se passer demain pour la pratique, puis qu'est-ce qu'on doit faire. Puis, tu sais, on pense, on rêve, on mange hockey. Donc, ce qui se passe un peu à l'extérieur, c'est ce que les gens viennent nous dire. Sinon, on est vraiment comme ça, focus sur le hockey, tout simplement, puis spécifiquement en séries éliminatoires, parce que c'est do or die. Là. Donc, les gens, je vous invite à le suivre sur Twitter. Il fait des excellentes analyses. Mitch est également dans les coulisses également. Ce que je n'ai pas parlé, parce que c'est un podcast uniquement de sport, puis moi, je ne fais pas un podcast d'une heure, c'est pour moi, je n'aime pas ça, là. C'est que Mitch a eu plein d'anecdotes. Vous pouvez aller l'écouter dans Jeff Liberté cette semaine. Des anecdotes à la fois... à la frontière, aux douanes. C'est assez particulier ce qu'il a vécu. Donc, je vous invite à aller l'écouter. On n'en parlera pas parce que, comme je t'ai dit, c'est un podcast de sport. Mais j'aimerais ça t'en parler du Canadien. Tu dois avoir des analyses du Canadien de temps en temps. J'ai commencé à écouter le Canadien. J'ai commencé à écouter la Ligue nationale de hockey dans le sens qu'en Russie, on est 8 heures plus tard. Donc, ouais. Les matchs de la Ligue nationale jouent à 2-3 heures le matin, des fois 4 heures. Mais tu vas le suivre dans les prochaines semaines, j'imagine. Ben là, c'est ça. Depuis que je suis revenu, j'ai commencé à les suivre. Autant le Canadien, moi, je suis un fan de hockey. Donc, je n'ai pas comme une équipe spécifique. Ah. J'aime regarder des bons matchs de hockey. Évidemment, le Canadien avec Martin Saint-Louis, la nouvelle direction, les échanges qui approchent, tu sais, ça devient un petit peu plus intéressant. Ils sont le fun à suivre présentement, on va se le dire. Là, même s'ils perdent, même s'ils sont derniers, la première ligne fonctionne, sont plus agréables. Mettons-le comme ça, sont plus agréables à regarder parce qu'il y a un challenge. Les jeunes joueurs produisent, c'est plus le fun. C'est cool maintenant. Question de coaching en terminant, puis j'aimerais ça te développer avec toi. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi le message que tu as envoyé? Martin Saint-Louis n'a jamais dirigé un match en Ligue nationale. Mario Tremblay, c'était la même affaire. Les deux ont quand même eu une fiche. Mario Tremblay a une fiche quand même pas tant. Puis tu as un Dominique Duchamp qui est un entraîneur de carrière qui ne fait pas marcher son affaire. Ça veut dire quoi, ça? Écoute, j'aimerais connaître la recette parce que, tu sais, on pourrait dire n'importe quoi sur Dominique, que ce soit bien ou négatif. Tu sais, malheureusement, on saura jamais qu'est-ce qui a vraiment mal fonctionné. Mais tu sais, on disait de Dominique avant qu'il monte dans la Ligue nationale que c'était un coach de la nouvelle génération, que c'était un coach axé sur l'offensive, qui était proche de ses joueurs. Tu sais, on disait toutes des bonnes qualités. Malheureusement, cette année, les choses n'ont pas bien été pour multitude de raisons. Tout ce qu'on disait de bien sur lui vient de « Ah, finalement, c'est plus un entraîneur de la nouvelle génération. Son système est trop compliqué. » Et là, tu es comme « Wow, ça va complètement à l'opposé. » Puis là, tu as un Martin Saint-Louis qui a, on va se dire, pas de bagage comme entraîneur, mais connaît la game, a joué la game. Il y a un entre-gens, il y a une prestance. C'est sûr qu'un nouveau, il devait avoir du nouveau. Quand c'est nouveau, c'est tout nouveau, tout beau. Changer des fois un système, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de perfectionner ce que tu essaies de faire depuis un certain temps. Avoir la réponse, je pense que demain matin, je m'en vais directement dans la Ligue nationale de hockey. Je pense juste que c'est plus un fit avec l'équipe présente, plus qu'autre chose. OK. Donc, j'aimerais ça d'en parler peut-être dans une couple de semaines, parler du Canadien. On va te laisser arriver. Puis, super. Ouais. Mitch Giguère, entraîneur de la KHL.